scientifiques actuels dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castor, l'émission de Paul Sarrès, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Le printemps de Prague est loin, les chars des « pays frères » entre guillemets ne sont pas repartis. Voici le deuxième volet d'une série diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 août 1988. C'est-à-dire que le printemps de Prague, c'était surtout une sorte de renaissance de la fierté nationale. C'était les meilleures années de notre vie parce que on était beaucoup plus libre qu'avant. On peut discuter vraiment les problèmes. La vie était pleine de quelque chose. Qui est perdu très vite dans nos temps. C'était vraiment comme la rêve. Quelque chose était venu et disparu. Que reste, c'était seulement les souvenirs. Serge Nakonine, à l'époque critique dramatique. On était dans un grand pré, on a ramassé les champignons, il y avait des beaux champignons que l'on a ramassés, qui étaient blancs, et on a vécu une soirée qui était une soirée de bonheur, et à 4h du matin, c'était le 21 août. Oui. Alors, c'était un souvenir d'une journée qui était magnifique, qui était splendide, luisante de soleil, etc. Et on s'est levé d'une manière assez brutale. Alors, c'était l'annoncement, pour ainsi dire, de cette affaire. Alors, les blindés sont venus. Alors, c'était mon premier souvenir. Mon deuxième souvenir, c'est, après tout ça, un écrivain qui était là dans le château et tout le monde était bouleversé et lui non. J'ai dit pourquoi? Il dit moi mes romans ça c'est éternel, ça dure toujours. Je n'écris que sur les choses qui touchent la femme et l'homme et le lit. Alors je trouve que aucun événement politique ne peut me déranger dans ma littérature. Eh bien. Il a eu raison, il est toujours en renfleur. Après, je suis allé à Prague, on s'est caché dans divers appartements, je me suis caché aussi parce qu'on ne savait pas comment les Soviétiques vont le faire, alors on s'est caché, et puis on a trouvé que ce n'est pas la peine de se cacher. Eh bien, alors on a commencé à vivre honnêtement comme on vit jusqu'à ce moment, et puis c'est tout. Je vous ai parlé des événements de 68 et vous avez commencé par le 21 août. Oui. Moi, je voudrais savoir comment s'est passé le printemps de Prague. Ah, le printemps de Prague. Alors ça, c'est, on efface tout ça. Non, le printemps, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé comme ça. J'étais critique dramatique dans un grand journal, le journal littéraire. Eh bien, ça s'est passé comme ça. C'était une résurrection du peuple, on peut dire. C'était une époque vraiment bouleversée. On avait l'espoir qu'on va créer quelque chose incomparable avec rien au monde entier. Alors on voit aujourd'hui qu'on était probablement naïf, peut-être très naïf, mais moi, par exemple, personnellement, je reste comme j'étais et moi, je trouve que c'était la plus belle époque de ma patrie, de mon pays. Zbigniew Hejda, à l'époque éditeur. Nous avons pensé ce que c'est très important, éditer les livres des auteurs qui étaient avant interdits ou qui ne pouvaient pas paraître. Par exemple? Par exemple Foucault. Des auteurs tchèques, par exemple Rade. Et dans une revue où je travaillais de qui je parlais, nous avons édité plusieurs écrivains tchèques qui étaient aussi interdits, comme par exemple le philosophe Ladislav Klíma, le philosophe tchèque, le poète Jakub Deml. C'était un grand poète tchèque. Ça faisait combien d'années que Klíma n'avait pas été publié? Depuis 1948. Deml aussi, Durich, Jaroslav Durich, par exemple, c'était aussi un grand écrivain romancier tchèque qui n'était pas publié. Alors, c'était notre idée, publier ces auteurs. Et du point de vue des auteurs contemporains, est-ce qu'il y avait des censures sous Novotny qui ont été levées, et comment elles ont été levées? Les écrivains contemporains, nous avons aussi publié, par exemple, Bohumil Hrabal, qui publiait avant, mais pas tout. Par exemple, les poèmes qu'on a écrits pendant les années 50, par exemple, Bambino di Prague, nous avons à Tvář publié pour la première fois. C'était un poème très important et pas censuré. Peter Hull. Pour moi, comme un citoyen tchécoslovaque, je suis allé à la place Venceslas, j'ai acheté Le Monde pour 3 couronnes. Après, je suis allé à la police, j'ai demandé l'autorisation de partir, non pas pour voir les parents, mais pour voir mon ami à Berlin-Ouest. J'ai posé 3 demandes à la fois. Dans 4 jours, je suis venu. On m'a donné 3 autorisations que j'ai utilisées tous les 15 jours pour aller à Berlin-Ouest, par exemple. C'est mon exemple. Mais il y avait d'autres qui avaient la joie, par exemple, de pouvoir lire les livres dans les traductions, les livres de l'Ouest, et non seulement de l'Ouest, mais aussi de l'Est, par exemple Solzhenitsyn. Il y avait les films, et il y avait toute la culture se libéralisait. Alors, en plus, aussi sur le plan des droits sociaux, c'était justement en 68 où la durée de la semaine de travail était raccourcie, et on ne travaillait plus samedi, sauf 3 ou 4 samedi par an, mais jusqu'à ce temps-là, on a travaillé un samedi sur 2. C'était une période de transition, mais 68 l'accélérait. Il y avait beaucoup d'autres choses, même sur le plan économique, ou si vous voulez, social plutôt, où 68 a apporté l'amélioration concrète des gens concrètes. Pierre et Michel Fleischmann avaient respectivement 16 et 19 ans en 68. Ils se souviennent de l'ambiance musicale qui a bercé leur jeunesse. Il y a eu une explosion surtout des groupes rock, comme par exemple Blue Effect. Disons que ceci commençait bien avant, parce que je me souviens que déjà, avant de partir de Prague, donc à l'âge de 14-15 ans, j'allais très très souvent écouter des groupes qu'on appelait des big beat à l'époque à Prague, qui étaient donc parfaitement influencé par la musique tout à fait équivalente que l'on faisait de l'autre côté du rideau. Mais ce que le Printemps de Prague a fait, c'est que finalement il a permis d'officialiser ce genre de choses. Cette acceptation qui n'était jamais qu'une tolérance jusque-là est devenue une acceptation totale. Ça, c'est peut-être le... Et puis bon, il y avait aussi des chanteurs qui avaient des textes de plus en plus engagés, des textes de protestation. Ce qui est tout à fait curieux, c'est le sort du chanteur Krill, lequel a composait un certain nombre de chansons qui n'étaient nullement inspirées par l'intervention soviétique de 68, pour la simple raison, parce qu'elles étaient écrites avant l'intervention, par une situation que l'on pourrait décrire comme tragique. Et ce que ces chansons, finalement, sont devenues par la suite le symbole, disons, la protestation contre l'intervention. Ça, c'est tout à fait curieux, comment la Tchécoslovaquie, d'après août, récupère comme symbole d'août quelque chose d'avant. Donc, dès le 21 août, dès le jour de l'intervention soviétique, est sortie chez les disquaires et sur les radios pragoises une chanson de Karel Kell qui s'appelait « Petit frère, ferme la petite porte d'entrée, il y a des chars qui arrivent ». Čest vaší práci. bratříčku, nevzlikej, to nejsou pubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Prší a venku se setmělo. Alors on m'a parlé d'une autre chanteuse, qui s'appelle Kubičová, puis je suis entré dans un magasin à Prague, il y a quelques jours, et j'ai demandé un disque de Kubičová. Kubičová. Et alors, la dame, la disquaire, est devenue absolument blême, et j'ai eu l'impression vraiment que je commettais un crime de lèse-majesté en posant une telle question. Elle a appelé le patron, et je me suis dit que ça allait mal tourner, et je me suis vite enfui. Ça vous paraît normal, là, ce qui s'est passé, là? Bah, Kubičová a été énormément rejetée par le pouvoir actuel, parce que c'était vraiment, c'est devenu déjà donc à l'époque, aussi dans les jours qui ont suivi le 21 août, elle sortait un disque où elle chantait une chanson qui reprenait une phrase de Komensky, que le pouvoir de tes affaires te revient, au peuple te revient. Et puis elle a eu beaucoup de problèmes très très vite, puisque elle était plus ou moins amie, comme beaucoup de chanteurs ici en France peuvent l'être, de Dubček. Et puis plus tard elle est devenue porte-parole de la charte 77, donc vraiment rejeté par le pouvoir. C'est presque une blague ce que vous avez fait là à Prague. Dál se k tobě navrátí, lidé navrátí. Thierry Hayek, vous étiez le ministre des Affaires étrangères de Dubček. Qu'est-ce qui pour vous traduit le mieux le printemps de Prague? C'était une, si vous voulez, une explosion de vigueur de la jeunesse, une explosion bien pacifique de l'esprit démocratique qui m'a animé quand je suis devenu ministre des Affaires étrangères. Bien entendu, j'ai dû limiter mon attention et mon activité à la défense contre les alliés. À la défense contre les soupçons des alliés, défense pacifique, bien entendu, à leur prouver que loin de nous éloigner du socialisme, loin de nous éloigner de l'alliance, que le printemps de Prague, que la démocratisation nous amenait vers plus du socialisme et nous rendait capables d'être meilleurs alliés, alliés plus valables. Comment ça se passait, ces discussions pour les convaincre? Quels étaient les arguments que vous employiez? Tout d'abord, je leur tâchais de démontrer qu'il n'y avait aucune tendance du retour vers la propriété capitaliste chez nous. Que pas une seule coopérative agricole ne s'est désintégrée. Pas une seule entreprise, les organes d'autogestion n'ont pas demandé un retour à la propriété privée, que tout au contraire, ces éléments démocratiques s'efforçaient ensemble avec toute notre population de construire une société vraiment socialiste, humaniste et démocratique. Ludwig Vachulik était l'auteur du manifeste des 2000 mots, publié le 27 juin 1968 dans Literarni Listi. Nombre d'intellectuels, mais aussi des vedettes du sport, des acteurs populaires et des citoyens ordinaires par milliers, signèrent ce texte qui proposait la formation de conseils et de commissions de citoyens pour éviter toute déviation du processus démocratique sous l'impulsion des conservateurs ou des camarades soviétiques. C'est à Prague que nous avons demandé à Vachulik s'il regrettait aujourd'hui cet article. Dans les derniers temps, j'ai relu les 2000 mots. Personnellement, je n'y changerai rien. Ces mots-là ont été tout à fait adaptés à la situation. Ces mots-là n'ont pas fait venir les chars. Ça, c'était une excuse. C'était évidemment un prétexte. Mais si j'avais raison à l'époque ou non, il faut dire que ce n'était pas mon opinion que j'exprimais. C'est-à-dire que ce n'était pas totalement mon opinion. Il y avait de mes opinions, de mon attitude, autant que je pensais pouvoir présenter à l'examen et à l'assentiment des masses. Moi-même, j'aurais peut-être parlé autrement et plus probablement, je n'aurais pas parlé du tout. J'ai parlé parce qu'un groupe de gens que j'avais toutes les raisons de porter dans mon estime se sont tournés vers moi et qu'ils ressentaient la même chose que moi, c'est-à-dire qu'on en arrive à un certain point mort et qu'il faudrait le faire évoluer pour faire bouger la situation et d'obliger et affermir les instances du parti qu'il est nécessaire de continuer dans le mouvement. Mais quand je relis aujourd'hui les 2000 mots, je n'y vois rien de mal. Tout simplement, pour l'époque, c'était tout à fait adapté à la situation. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles conditions le texte a été élaboré et dans quelles conditions ensuite il a été porté au comité central et comment vous avez été exactement accueilli à cette époque ? J'ai reçu la visite d'un groupe de gens qui pensaient qu'il faudrait dire à la société quelque chose qui soutiendrait le pouvoir progressiste du parti. Personne ne m'a dit ce qu'il faudrait y mettre concrètement, mais quand je me suis retrouvé devant la feuille blanche avec ce devoir de dire quelque chose, alors je me suis rendu compte que c'est à la place de ces gens qu'il faut que je formule quelque chose, que je leur propose quelque chose, une attitude concrète et pratique applicable quotidiennement. Ce manifeste parut en même temps dans quelques quotidiens et dans les Literárny noviny. Et donc, le comité central du parti n'en a pris connaissance qu'à la lecture des journaux. La réaction de certains était l'agacement, d'autres considéraient le texte comme peu tactique, et pour des raisons tactiques, pensaient qu'il faut prendre un peu de distance par rapport à ce texte pour calmer l'aile conservatrice du parti. Mais si vous voulez, comment les 2000 mots ont été reçus, cela ne m'intéressait que très peu. Ce qui m'intéressait, c'était comment les gens de la rue le reçoivent. Et ceux-ci signaient le texte non pas par milliers, mais par des dizaines de milliers. Et en fait, je n'ai rien d'autre à y ajouter. Hergé Hayek. Pour moi, comme assez souvent, j'avais une position un peu du dilemme. À la réunion du gouvernement, où on a discuté les 2000 mots, ensemble avec mon collègue Vladimir Kadlec et Miroslav Galuška, nous étions des défenseurs. De l'autre côté, quand j'ai parlé à Vaculík, aux autres, je leur ai demandé, est-ce que vous croyez qu'à ce moment-ci, quand la nation, quand le public, d'une façon très exacte, démocratique, est-ce que vous croyez qu'il est nécessaire de faire un appel? Et est-ce que vous ne croyez pas que vous avez rendu un service aux conservateurs? Mais, écoutez, les résultats ont dépassé tout ça. Et aujourd'hui, certainement, j'étais toujours persuadé que Vaculík, parce qu'il y avait beaucoup de mes amis qui étaient parmi les signataires, que c'était des gens très honnêtes, qui ont eu des bonnes intentions. Mais exactement vis-à-vis du front des conservateurs de chez nous et de, n'est-ce pas, de Moscou, de Berlin, de Varsovie, etc., il m'a paru qu'ils ont donné un certain prétexte. Est-ce que ça ne vous paraît pas dérisoire, 20 ans après, de parler de vos prudences de l'époque? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Mais dans l'histoire, il y a toujours des moments où, on dit chez nous, après une bataille, et surtout après une bataille perdue, chaque sergent est plus intelligent que les généraux. Donc c'est au sergent qu'il faut parler de ce qui s'est passé. Et vous êtes un général, vous? Oh, mais pour le moment, je suis un piéton. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y danse. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse tout en rond. Alors, Vaclav Havel, comment vous avez appris une chanson pareille? Quand? Nerozumím ani slovo. I really don't know anything. I learned as a young boy French. I have French nurse and I spoke fluently when I was 3 or 4 years old, but I everything forget. And now I don't know absolutely anything French. Václav Havel avait appris des chansons françaises avec sa nurse. À 3 ou 4 ans, il baragouinait le français. Mais aujourd'hui, il devra continuer notre conversation en tchèque. Musím říct, že jako pro dramatického autora pro mě ten rok 68 neznamenal Je dois dire que pour un auteur dramatique et donc pour moi, l'année 1968 en ce qui concerne la réaction du public ne signifiait pas un changement significatif. Je dirais même le contraire. Dans les années 60, où la conscience de la société se libérait, le public était avide de mots vrais. Il voulait trouver des mots pour appeler la situation, nommer les mécanismes de la manipulation de la société. Il faut dire qu'en même temps, cette manipulation fonctionnait plus ou moins encore, même si elle commençait à s'enrouiller et à se détraquer. À l'époque, mes pièces avaient un énorme succès. Elles avaient des centaines de reprises et les réactions du public étaient pour moi fantastiques. En 1968, cela n'était pas aussi marquant, parce que l'atmosphère de liberté générale commençait de façon étrange à entamer ou à influencer les consciences, et le fait de nommer à haute voix une vérité surprenante par son nom n'avait plus la même nécessité. C'était aussi lié au fait qu'à ce moment-là, on jouait déjà une de mes pièces qui n'était plus aussi directement politiquement interprétable que les précédents. En ce qui concerne les pièces de théâtre, je vous dirais même une idée quelque peu provocatrice. Dans la situation d'un totalitarisme en train de se décomposer, de se désagréger, le public est beaucoup plus excitable que dans des situations de totale liberté. Dans votre pays, vous devez connaître ça. Dans votre pays où, je pense vraiment, le théâtre et toute la culture n'ont pas cette aussi grande portée sociale et politique qu'ils peuvent avoir dans des pays plus répressifs. Donc maintenant, vous êtes parfaitement heureux parce que nous sommes dans cette situation intermédiaire entre le totalitarisme et la liberté en Tchécoslovaquie. C'est comme ça que vous avez pu produire vos grandes œuvres, La Pétition ou La Grande Roue, par exemple, pour prendre la plus récemment montée en France. Finalement, ce sont toutes des œuvres qui mettent en question, qui interrogent la répression totalitaire ou semi-totalitaire. Donc finalement, 68 pour vous, c'est pas un très bon moment parce que c'est un moment de trop grande liberté pour que vous puissiez créer tranquillement. Já si myslím, že důležité není, jak moc. Je ne pense pas que l'important serait de savoir combien de gens vont voir des pièces politiquement courageuses et comment se portent les dramaturges. Ce qui importe, c'est de savoir comment va la société et si elle vit dans la répression ou dans la liberté. De ce point de vue, chaque libéralisation, chaque démocratisation, chaque décrispation, même relative, sont bonnes. Et chaque autre tentative de manipuler davantage la société est un malheur pour celle-ci et en définitive aussi pour moi. En ce qui me concerne, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis ce que vous appelez en Occident un dissident, ce n'est pas une situation qui m'amuserait très particulièrement, qui me procurerait une grande joie, non seulement parce que je suis soumis à une surveillance policière permanente, que je suis mis en prison, etc., mais aussi pour d'autres raisons. Pour un auteur de pièces dramatiques, il est vraiment très important de rester au contact avec le théâtre, voir ses propres pièces, pouvoir aller aux répétitions. Pour ma part, cela fait 20 ans que je n'ai pas vu une seule de mes pièces jouer sur les planches d'un théâtre. Chaque dramaturge vous confirmera que c'est très mauvais pour un écrivain. Je ne voudrais donc pas que l'on comprenne ce que je dis de manière à croire que je préfère vivre dans des conditions d'une répression totalitaire que dans une situation plus libre. Hugo tu likvidaci neměl přijímat. Kdyby ji nepřijal, tak by se likvidační úřad nezlikvidoval a likvidovalo by se dál. A proč by pak... La fête champêtre de Václav Havel jouée à Prague en 65. Odmítl likvidační úřad, se zlikviduje, skončí likvidování a jediný náš Hugo bude likvidovat dál. Nakonec toho bude mít po potahování. Měl to odmítnout. Naopak, la star Rostova, vous étiez une actrice qui avait beaucoup de succès en 1968 et pendant les années 60, vous avez été l'actrice qui a symbolisé l'ouverture, les transformations du théâtre jusqu'en 1969. Alors, comment cela était-il possible et comment cela a-t-il évolué à partir du moment où le théâtre n'a plus été libre dans les années 69? V 60. letech ve všech divadlech, malých, velkých, na všech frontách kultury nastalo, dans les années 60, dans tous les théâtres, qu'ils soient petits ou grands, d'une manière générale pour tout ce qui touchait à la culture, on assistait à une fantastique libéralisation. Pour nous, cela signifiait que les créateurs et leurs œuvres prenaient enfin la place qui devait être la leur. Les programmes de théâtre devenaient extraordinairement intéressants. On commençait à jouer aussi bien Beckett que Sartre, sans parler de nos propres auteurs, Kundera, Havel, Pavlíček, Uhde, Topol et bien d'autres. Au début de 68, naturellement, une sorte d'accélération de l'histoire a soudain tout fait basculer. Ainsi, par exemple, il serait intéressant de vous raconter qu'au théâtre de Vinohrady à Prague, où je travaillais depuis une vingtaine d'années, nous avons d'un seul coup, du jour au lendemain, chamboulé le répertoire pour donner une pièce américaine d'Anderson dont la traduction tchèque donne « Je sais que je ne sais rien » et qui avait été écrite à l'époque du macartisme. Cette pièce dont les héros sont Socrate et Xantippe résumait d'une façon extraordinaire la situation de notre pays. Socrate défend ses opinions devant les juges et ceux-ci se mettent à crier « Ne le laissez pas parler car il serait capable de nous démontrer que le sol est au plafond et le plafond au sol, que la gauche est à droite et la droite à gauche. » Socrate rétorque simplement « La seule chose qui compte et l'endroit où l'on se place. » Je ne sais pas quelle pouvait être l'ambiance des pièces jouées à l'époque médiévale dans les foires ou sur les places publiques. Mais ce que je peux dire, c'est que ce spectacle-là n'avait rien à voir avec le théâtre tel qu'on l'imagine, généralement, et aujourd'hui. Peut-être est-ce d'ailleurs précisément cela, le vrai théâtre. Nous jouions réplique après réplique, et les spectateurs réagissaient de façon magnifique. Ils criaient, riaient, surtout, bien sûr, quand les personnalités de la vie politique, Dubček, Smrkovský ou d'autres, se trouvaient dans la salle. Le théâtre se transformait en tribune politique, en manifestation publique. Voilà ce que fut l'année 68 et les jours qui suivirent l'occupation. Je pense que ces jours, ces quelques mois qui précédèrent la fin du printemps de Prague, représentent les seuls moments d'authentique liberté qu'il m'a été donné de vivre. Ale nastal střih. A všechno bylo jinak, protože srpnové události. Mais soudain, ce fut une autre accélération de l'histoire et tout change de nouveau. Au moment des événements du mois d'août, j'assistais mon mari, le caméraman Stanislav Milota, pour le tournage d'un film et je devais avoir un rôle dans un autre de ses films, alors en préparation. Il ne se séparait jamais de sa caméra. De plus, nous habitions au centre de Prague, dans une rue qui a toujours vécu et vit encore les événements qui font l'histoire de notre pays. Nous avons pris sa caméra et nous sommes descendus dans les rues filmer les événements. Nous nous sommes retrouvés côte à côte, à plat ventre, derrière les remparts de toit du musée national, place Venceslas. Les chars soviétiques tiraient au-dessus de nous, sur la façade. Comme disaient les Pragois, ils peignaient les fresques de El Grechko. Grechko était le nom du commandant soviétique de l'armée d'occupation. Je regardais mon mari et je peux vous dire que nous n'étions pas des héros. Nous avions peur. Finalement, si, mon mari, lui, était un héros. L'attrait professionnel, la volonté de filmer l'événement a emporté sur la peur. Il est resté sur le toit. Mais il vous expliquera lui-même ce qu'il a tourné et pourquoi il l'a fait. En ce qui me concerne, ce n'est que plus tard, quand ces prises de vue ont été utilisées dans différents montages, dans différents films, que j'ai vraiment réalisé. J'ai vécu ces moments. J'y étais quand on tirait sur tout et sur nous. C'était vraiment dur. J'étais terrorisée. Mon mari m'a obligée à quitter l'endroit, à le quitter lui, alors même qu'il restait pour achever sa mission. Quand j'ai appris, beaucoup plus tard, que ces prises de vue avaient servi dans le film l'insoutenable légèreté de l'être, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait ni de l'insoutenable légèreté des prises de vue, ni de celle de l'écriture, ni de celle de l'être. Et en ce qui me concerne, moi, vous m'avez demandé ce que j'étais devenue après le 21 août. Eh bien, j'ai quitté le théâtre de Vinohrady pour la scène de Zabranou, dirigée alors par le metteur en scène Otomar Krejča. J'y suis restée jusqu'à la fermeture du théâtre. Naturellement, tout fut interdit, les revues, les organisations qui furent dissoutes, l'association des artistes comme les autres, bien sûr. J'étais alors membre de sa direction. J'ai encore pu jouer quelque temps en province, après la fermeture du théâtre Zabranou, puis ensuite, j'ai été interdite sur toutes les scènes du pays, sans exception. Et cela dure aujourd'hui encore, et ce, malgré la glasnost, malgré toutes les bonnes paroles sur la nouvelle façon de penser. Car ceux qui sont responsables des événements de l'après-août 68 sont toujours aux commandes et décident toujours de tout, de notre culture, du sort de notre pays. Août 1968, Irgi Pelikan. L'invasion a commencé à peu près à 11h30 dans la nuit. Je suis retourné exceptionnellement plus tôt à la maison parce que j'étais à l'époque élu aussi comme délégué au congrès, 14e congrès du Parti communiste qui devait se tenir le 9 septembre. Et le jour suivant, je devais aller à une réunion de délégués. Et puis un ami m'appelle vers 11h30 en disant « les chars soviétiques traversent la frontière, ils envahissent la Tchécoslovaquie ». Ma première impression, c'était que les amis se sont rencontrés, se sont saoulés et ils font des plaisanteries. Mais il dit « c'est pas des plaisanteries, ils ouvrent la fenêtre et tu écoutes le bruit des Antonov qui sont en train d'atterrir sur l'aéroport de Prague ». Alors j'ai vraiment ouvert la fenêtre, j'ai entendu un bruit qui est tout à fait particulier et différent des avions normal. Et donc, je suis allé tout de suite au comité central où je suis arrivé vers minuit. Et il y avait la réunion du présidium qui, justement, discutait quelle attitude prendre vers cette intervention militaire. Et il s'agissait pour moi, en tant que directeur général de la télévision, pour assurer que l'attitude du président soit transmise à la population, même si le programme normal était déjà fini. Alors j'attendais le résultat de cette réunion de la présidence qui, par une petite majorité, a quand même condamné l'intervention militaire soviétique. Et puis nous sommes allés tout de suite à la radio et télévision pour transmettre ce message. Dans ce moment-là, le ministre de communication, qui était Karel Hofmann, aujourd'hui membre de la direction du Parti communiste tchécoslovaque, a essayé de donner l'ordre aux stations de transmission d'interrompre les réseaux. Mais heureusement, les techniciens nous ont appelés et demandé est-ce que c'est l'ordre du gouvernement. On a dit non, c'est pas l'ordre du gouvernement, il faut au contraire continuer. Puis je suis donc vers 5h du matin, je voulais aller dans mon bureau à la télévision, mais la télévision était déjà, il y avait déjà des chars soviétiques autour, parce qu'il faut dire que quand Dubček savait que les soviétiques ont traversé la frontière à 23h30, il pensait que nous avons encore des heures de temps jusqu'il arrive, mais il ne savait pas qu'il y avait des avions soviétiques qui se posaient à l'aéroport de Prague et qu'il y avait des voitures diplomatiques de l'ambassade soviétique qui les attendaient sur la piste et amenaient les chars directement vers la radio, la télévision, le gouvernement, le comité central. Donc, ils n'ont pas cherché des contre-révolutionnaires, ils ont cherché les représentants du pouvoir. Et donc, comme il y avait aussi, c'était une des décisions de la direction du parti, de convoquer le Parlement, et j'étais membre du Parlement, même président de sa commission pour les affaires étrangères, je suis allé dans le Parlement qui était en face de la télévision. Et là, j'ai vu le colonel soviétique qui s'est installé dans mon bureau, qui m'a cherché, et à la fin, il m'a trouvé à travers des différents rayons, et il m'a donné l'ordre de cesser les émissions de la télévision. Et je lui ai répondu que je ne peux pas obéir aux ordres de l'armée d'occupation, que je suis loyal vers la direction de Dubček et le gouvernement légal. Et donc, on s'est regardé à travers la fenêtre, mais il ne pouvait rien faire. To everybody, everybody, everybody, with this famous exclaim from the great October Revolution. Un speaker de la Radio Libre de Prague s'adresse aux partis frères, aux pays socialistes, à tous les communistes, à tous les démocrates du monde. Chers amis, il n'y a pas de contre-révolution dans notre pays. Dear friends, there is no contre-révolution in our land. Par hasard, on peut dire que notre avantage est que la télévision en Tchécoslovaquie à l'époque n'avait pas encore le nouveau centre de production. Elle était donc dispersée dans plusieurs studios à travers toute la ville. Alors les soviétiques ont occupé la direction mais n'ont pas compris qu'il y a d'autres centres de production qui pouvaient continuer à faire des émissions. La même chose aussi pour la radio. Oui. Alors c'est pour cela que, en effet, néanmoins, l'interdiction soviétique, la télévision et la radio surtout, continuaient à fonctionner. Et je crois que c'est un élément essentiel pour éviter les provocations parce que le pays était sans gouvernement, sans direction politique, mais vivait quand même bien informé grâce aux journalistes de la radio et de la télévision. Jusqu'à quelle date est-ce que vous pensez que vous continuiez à diriger la télévision tchécoslovaque? Oui, c'était pratiquement jusqu'à le 28 ou le 29 août, jusqu'à le retour de Dubček et de la délégation du Parti communiste tchécoslovaque de Moscou, quand ils nous ont, parce que, comme j'ai dit, nous étions fidèles tout le temps au gouvernement légal, mais quand le gouvernement légal a dit il faut cesser des émissions de ces stations de radio et de télévision qui ne sont pas, disons, officielles, il fallait le cesser. Et nous avons eu c'était vraiment, je dois dire que les techniciens, par exemple, avec lesquels j'ai eu avant toujours des difficultés parce que quand on voulait faire une transmission en direct, ils avaient demandé des jours pour mettre tout sur place. Mais là, pendant l'occupation, ils ont fait tout d'une manière extraordinaire. Ils ont construit des studios de télévision, par exemple, dans les maisons en reconstruction où il n'y avait personne. Et il y avait même des épisodes peut-être assez amusante, comme il y avait un groupe de journalistes de la télévision qui s'est installé dans un appartement tout à fait vide dans la périphérie de Prague. Ils ont organisé un débat avec Zatopek, le champion d'Olympique, et les autres. Signataire des 2000 mots. Oui. Et à un certain moment, quand ils ont fini, le technicien est venu, elle dit, malheureusement, je dois vous dire que ce programme n'était pas du tout diffusé parce que la technique n'a pas fonctionné. Alors, ils étaient très fâchés et tristes. Et à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte de l'appartement. Il y a une vieille dame qui a apporté une rose en disant, c'était tellement formidable votre débat que je vais apporter une rose. Alors, le rédacteur disait, voilà, tu n'as pas raison au technicien parce que il y avait des gens qui ont vu ce programme. Le technicien dit, c'est pas possible. Où vous avez vu ou écouté ce programme? Et la vieille dame a dit, moi j'habite en face de cette maison, je vous ai entendu par la fenêtre. C'était donc un programme qui était vu seulement par une personne. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba z Vinohradské třídy. Lidé prchají směrem k naší budově před střelbou kulometů, samopalů a vykřikují Dubček, Dubček a my se k ním připojujeme. La radio libre de Prague est encerclée. Derniers appels à la démocratie et au socialisme lancés par le speaker. Les émissions libres vont s'achever avec l'hymne tchèque. Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které od nás slyšíte. Přátelé, věřme, všichni prosím vás teď naléhavě, věřme, že skutečně musí zdravý rozum vyhrát. Není možné, aby tohle vydrželo, tato situace. Chceme socialismus, ale lidský socialismus. A věříme, že i ten náš socialismus československý přece jen vybojujeme, že nám vydrží. Věřme, teď nám nic jiného nezbývá, než věřit, přátelé, a být klidní a nenechat se vyprovokovat. On a traversé Prague, on a même traversé Prague vraiment plein de chars et plein de jeunes gens sur des camions, un bruit assourdissant, des mitraillettes qui claquaient. C'était Prague vraiment occupée, plein de soldats, avec des chars qui se déplaçaient dans les petites ruelles de Prague, des petites ruelles, et là-dedans des chars énormes qui accrochaient les coins et qui détruisaient ce qu'il y avait devant. Et tout ça dans la fumée et dans le bruit, surtout. Conversation entre Pragois et soldats russes. Dubček ne chce, aby byli v naší republice. Dubček ne chce. Dubček chce, aby vy ušli domů. Půjdeme. Raz Dubček chce, my půjdeme. Nous sommes sortis sur la place Jeannette Leroy de la gare et là le bruit des hélicoptères qui descendaient pour jeter des tracts. C'était des tracts russes et personne ne ramassait les tracts. Et puis en plus à ce moment-là, le temps était abominable. Il pleuvait, c'était les forêts de sapins, c'était noir, enfin tout était vraiment triste. Martin Hübner. On se réveillait, ils ont été là. Hradec Králové a été occupé par les Polonais parce que c'est Bohème de l'Est. Et c'était un choc. Ils n'ont pas entré au centre-ville. Ils l'ont entouré, disons, par leur campement. Et surtout quand ça venait, parce que je me souviens, j'étais sur le toit terrasse d'une maison de banlieue, et je regardais les fils interminables des colonnes, des camions, des chars et de tout cela. C'était impressionnant. D'autre part, les Polonais, les soldats polonais, on peut, bien entendu, on peut s'entretenir avec eux, parce que le Tchèque et le Polonais est assez proche. Alors on a discuté parfois avec eux, et ils ont été personnellement assez malheureux, ils ont eu honte, et ceux qui ont osé, ils nous ont exprimé son regret, sa honte de participer à cette opération. Bien entendu, ils ont été en campagne, alors les officiers n'ont pas laissé de nous parler avec des gens. On savait bien comment ça marche, parce qu'on sait bien comment le système totalitaire fonctionne. Alors, on savait bien que les soldats, ils n'ont pas le choix. Alors, c'était une résistance passive. Alors, on ne leur donnait pas, par exemple, à boire. Ils manquaient de l'eau. Ils ont été obligés de boire de l'eau de la rivière. Et après, ils ont eu des épidémies, des maladies, ça sentait assez mauvais, mais des choses comme ça, mais il n'y était pas la violence en ce sens, parce que on savait bien qu'on peut pas lutter contre les chars avec les mains nues, et finalement on savait aussi que les Polonais, les soldats qui sont là, qu'ils sont aussi bien manipulés que tout le reste, et que finalement leur rôle, ils écoutaient entre autres aussi la radio l'Europe libre, comme nous, d'ailleurs, et ils savaient bien de quoi il s'agit. Où sont passés les Russes, c'était un peu différent, parce que là, ils ont été vraiment préparés idéologiquement, et ils croyaient qu'il y a une contre-révolution chez nous, etc. Tandis que chez les Polonais, il y était très peu de gens qui croyaient, c'était clair de quoi il s'agit, et c'était d'autant plus honteux. L'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 a été photographiée, filmée et déposée dans les archives du monde entier. Les photographes et les caméramans tchèques comprirent l'occasion qui leur était donnée de faire la seule chose qu'on pouvait encore faire, préserver pour l'avenir lointain l'image du viol. Milan Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être. Stanislas Milota, vous étiez donc un caméraman et votre femme dit que votre profession était plus importante que la peur et elle vous a permis de filmer donc les chars soviétiques et vos images ont traversé le monde. Alors, qu'est-ce qui est arrivé de ces images et comment vous avez fait pour les prendre en 68? Comment ça s'est passé? J'étais caméraman d'un film de long métrage et par un simple concours de circonstances, j'ai tourné en 1968 un film documentaire pendant à peu près 10 à 15 jours qui ont suivi le 21 août. Aujourd'hui, je suis étonné et j'ouvre grand les yeux, car je ne sais que penser des choses suivantes. Maintenant, nous sommes dans une situation où il serait possible, c'est-à-dire qu'il serait formidable qu'à la place de la vidéo qui existe même en Tchécoslovaquie, et au moment où les gens sont là des pornos, des Rambo, alors il serait possible, et j'ai même demandé aux gens qui vivent à l'étranger et qui connaissent les films, et non seulement les miens, car je n'étais pas le seul à tourner les événements, mais beaucoup d'autres d'excellents caméramans et qui ont d'excellents documents, ils sont tous à l'étranger. Alors j'ai simplement demandé s'il serait possible de réunir tous ces documents et les montrer sans aucun commentaire qu'avec les chansons qui ont été faites à l'époque à la radio, enregistrées sur disque, et qu'il serait beaucoup plus important de les utiliser autrement que dans divers films, afin d'enjoliver certaines scènes, mais j'ai appris que cela est impossible. Il paraît que ces films sont entre les mains de personnes privées, qui les prêtent contre des sommes d'argent à diverses sociétés de télévision. Alors, je ne peux que rester quoi? Maintenant, donc, probablement, je ne peux y échapper. Il faut que je dise quelque chose en ce qui concerne 1968 et comment j'ai filmé ces images. Cela est assez piquant, car ce réalisme rêve de faire une sorte de festival de films seulement racontés. Donc, l'histoire de mon film, dans cette histoire, je serais donc debout sur le parvis du Musée National, où je me tenais il y a 20 ans au moment de la tragédie de mon propre pays et de ma propre tragédie, et je ne pense qu'à une seule image, une seule et unique image que je connais très bien, des matériaux tournés en 1945, au mois de mai 1945, quand il y eut le soulèvement pragois, et au travers des sortes de quilles, les témoins de l'époque qui sont aujourd'hui à l'émigration se souviennent certainement que la balustrade du musée est faite de quilles en pierre, et qu'on y a filmé au travers de ces quilles en pierre un soldat SS de dos avec un pistolet à la main. Cette image est très dramatique, et moi pendant ce 21 août, alors que j'étais allongé derrière ces quilles et qu'au-dessus de moi se dessinaient ces fresques de El Grechko, j'ai filmé ces quilles en attendant l'arrivée d'un officier soviétique qui se placerait juste là où était avant le soldat SS, parce que je me demandais quoi tourner, quoi faire. Je pense qu'il suffirait de faire un montage entre l'image de 1945 et l'image de 1968 en intervertissant les personnages. Une fois, ce serait des Allemands, une autre fois, ça serait des Russes. Et je pense qu'il n'y a là rien à ajouter, cela parle de soi. Hugues, j'en ai fini, bien. Thank you. De nombreux pourparlers se déroulèrent entre le Parti communiste tchèque et les partis communistes de l'URSS et des autres pays du bloc oriental. Dresde en mars, Moscou en mai, Tchirna sur la Tisa fin juillet et enfin Bratislava le 20 août. Critiques chaque fois plus dures contre le Parti communiste tchécoslovaque, accusé de vouloir séparer de l'URSS l'Ukraine et de faire figurer dans sa délégation au plus haut niveau un homme qui ne pouvait être un partenaire, le juif galicien František Riegel, membre du présidium du Front National. Jerzy Hayek. Je me suis attendu à certaines choses au moment de Tcherna, par exemple. Quand une crise a éclaté dans les négociations. C'était donc une discussion que vous aviez avec les Soviétiques. Oui. Et il y avait aussi les autres pays du pacte de Varsovie qui étaient là. Oui. Et, oui, je. À Tcherna. Moi, j'y n'étais pas, mais je l'ai suivi de Prague. Nous, les ministres observaient, si vous voulez. Le ministre attendait. Et à ce moment-là, quand j'ai entendu, n'est-ce pas, les nouvelles d'une certaine crise, tension, je me suis dit, voilà, ça serait un moment où ce groupe qui se trouve à la frontière, simple, pourrait être empêché à retourner, et au lieu de ce groupe-là, des troupes qui circulaient, qui faisaient les exercices, pourraient entrer. Et c'est arrivé un mois plus tard. Et c'est arrivé déjà au moment, après Bratislava, c'est arrivé au moment où tout paraissait plus calme, du point de vue des stratèges soviétiques. Ça me paraissait un moment qui n'était pas bien choisi, parce que au moment où il y a eu des dissensions à Tcherna, alors on aurait bien pu accuser le parti tchécoslovaque de ne pas être honnête, des préparatifs de contre-révolution, etc. C'était tout ridicule. Aussi, je me rappelle que j'ai eu l'occasion au Conseil de sécurité, où je suis allé, comme vous savez, de voir que l'annonce originale du gouvernement soviétique était que l'entrée des troupes s'est faite sur la demande du gouvernement tchécoslovaque. Alors c'était très facile de donner un démenti. Et pour conclure, chers auditeurs, les négociations à Moscou continuent toujours. Nous n'avons pas de nouvelles officielles de leur progrès depuis hier soir. Nous avons ressenti beaucoup de joie à la nouvelle qu'Alexandre Dubček, Oldřich Černík et Josef Smrkovský, les représentants légaux du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Parti communiste de Tchécoslovaquie, qui avaient été enfermés par les troupes d'occupation, participent à ces pourparlers. Vous êtes à l'écoute de Radio Prague en langues étrangères. Nous continuerons nos émissions aussi longtemps que les circonstances le permettront. Il est facile aujourd'hui de juger les gens de l'époque, parce Yossi que, Pelikan. Comme on dit, après la bataille, tout le monde devient maréchal. J'ai eu, bien sûr, mes réserves vis-à-vis de l'attitude de Dubček et de la direction. Je crois que déjà, auparavant, Dubček devait avertir les Soviétiques que nous sommes des alliés, nous ne voulons pas quitter le pacte de Varsovie, ni le Comecon, etc. Mais dans le cas qu'on voudrait nous imposer une solution par force militaire, que nous serions prêts de nous défendre. Et je crois que ça serait probablement le seul moyen pour éviter l'intervention militaire, parce que je ne crois pas que les Soviétiques auraient décidé cela dans une telle situation. Mais bon, il n'a pas fait parce qu'il était convaincu que les Soviétiques ne feront jamais ce qu'ils ont fait. C'est sa faute. La deuxième faute, c'est que, je crois, à Moscou, il ne fallait pas signer ce fameux accord parce que c'était une capitulation. Bien sûr, ils étaient coupés, Dubček et les autres étaient coupés de ce qu'il se passait en Tchécoslovaquie. Surtout, ils ont, je crois que l'erreur la plus grave, ils ont annulé le 14e congrès du Parti communiste qui s'est déroulé le 22-23 août à Prague et qui a élu le nouveau comité central. Et donc, c'était, d'après mon opinion, c'était le commencement de la défaite, même si Dubček a été convaincu qu'une partie des réformes pourrait éventuellement être encore sauvée. Le 21 août 68, le comité central tente de convoquer un 14e congrès. C'est finalement le 23 août que cette réunion se tient dans une usine de la banlieue pragoise, à Vysogany, congrès clandestin alors que Doutchek, Tchernik, Smirkovski sont à Moscou face aux soviétiques. Les mots d'ordre du printemps de Prague sont non seulement réaffirmés, mais approfondis, notamment en matière de co-gestion et de démocratie. Miloš Hájek, rencontré à Prague, aujourd'hui porte-parole de la Charte 77. Je n'avais pas cet espoir, j'étais plus pessimiste. Je suis un homme qui a vécu l'occupation allemande des nazis. Alors, nous avons toute minute attendu que les soldats soviétiques viendront et liquideront tout le rassemblement. Mais le congrès a fini à la nuit quand nous promenions sur les rues de Prague, quand j'ai vu que toutes les maisons sont pleines de plakats contre l'occupation. Alors c'était un miracle pour moi. Mais alors ce congrès, à votre avis, à quoi a-t-il servi finalement, puisque tout est rentré dans l'ordre? Et comment ça se fait que tout est rentré dans l'ordre? Oui, tout est rentré à l'ordre, mais les occupants ont perdu une demi-année. Inscription sur les murs de Prague en août 68. Les Russes et le pâté de foie, on les préfère plutôt froids. Les Allemands nous voulaient pour 1000 ans, les Russes pour les temps éternels. Dubček, tiens-toi, nous sommes avec toi, sois avec nous. Pas une bouchée aux soviétiques, fermez les poubelles à clé. Martin Ibner. La normalisation a commencé en 69 avec un certain recul parce que d'abord on vivait encore de cette ambiance de rassemblement et de la communauté nationale qui était très fortement ressentie à l'époque de l'invasion. Et ça durait encore en automne et ça s'est perpétué encore d'une certaine façon jusqu'au printemps 69. Et il n'osait pas tellement d'intervenir, même de l'équipe dominante qui le voulait. Alors, c'était d'abord un temps où les gens, où le peuple manquait d'organisation parce que ses représentants ont été complètement incompétents, Dubček, etc. Et ils ont dilapidé ce potentiel de l'unité nationale et de résistance qui était possible, bien possible, à mon avis, d'exploiter d'une façon beaucoup plus conséquente. Potom tak jak si na jaře v roce 69 začala taková ta smutná doba toho temna. Par la suite, au printemps de l'année 1969, commença le triste temps des ténèbres. Václav Havel. Znám já loučku zelenou a na ní lipku sázenou. L'autre 68, Prague 20 ans après. Mixage Pierre Mine et Jean-Michel Coqui. Traduction de Michel et Pierre Fleischmann et Madame Rozova. Texte dit par Claude et Catherine Rich et Jean-Luc de Baptiste. Une émission de Anne Kobilac, Blandine Masson, Antoine Spire. Demain, troisième partie. Svaté písničky sobě hrá. Cette émission, le deuxième volet d'une série de trois, a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 11 août 1988. Prochain rendez-vous, Prague, 20 ans après, la philosophie du printemps de Prague fut-elle une perestroïka avant l'autre? Les années 60, document INA Annie Lozana, réalisation Virginie Mourtet. Une émission de Philippe Garbi que vous pouvez télécharger, comme tous les précédents rendez-vous de cette série, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission Les années 60.